Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez une forêt, du cassoulet, des chaussures de randonnée, vous obtiendrez l'origine d'un paix. Avec papa, on se baladait dans la forêt. D'un coup, oh, une odeur de choux de Bruxelles recouvert de fromage qui pue a sauté dans mes narines. Papa ne bronchait pas, perdu dans ses pensées, les mains dans les poches. Il ne sentait rien. À moins que... Oh, non, impossible. Je devais l'interroger l'air de rien. Dis, papa, tu crois que les arbres ça pète ? Ils ont plutôt l'habitude de craquer avec le vent. Mais est-ce qu'ils en lâchent ? De quoi ? Des vents. Bien sûr que non. Et les champignons ? Mais non plus. Mais certains puent la mort, il paraît. Je me suis approchée des champignons qui pointaient le bout de leur chapeau. Rien. Et les pierres, ça pète ? Uniquement quand il fait très froid. Mais pourquoi t'intéresses-tu aux paix ? Tu n'aurais pas quelque chose à m'avouer, papa ? Si. N'abuse jamais d'un bon cassoulet. Mmh.